restons sur place. On ira à Belleville, on ira à Barbès. Ça sera comme l'Indochine, mélangé Marrakech. Allez viens ce soir, je t'invite, on va où oui, on va sur la lune. Ça coûtera pas une thune, pour ça il faudra tu danses toujours plus haut, que tu te jettes dans la musique, que tu te jettes dans la mêlée, que tu te jettes dans la musique, que tu te jettes dans la mêlée. Internacional.